10-30. Observation, adjectif possessif. Tableau récapitulatif. Mon, ton, son. Ma, ta, sa. Mon, ton, son. Mais, t'es, c'est. Notre, votre, leur. Nos, vos, leurs.